La chronique cinéma. Tu deviens complètement con ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis le parrain de ton fils. Mais enfin... Lutin, malin, pestil. Waouh! Je la veux encore! Ça ne doit plus arriver. Ça fait partie des listes de choses qui ne doivent plus arriver. Franchement... Voilà. C'est à moi. Je suis Marraine, la bonne fée. Bon con, bonne conne, chers amis auditeurices, bonjour à tous et bienvenue dans la chronique cinéma d'Hubert Félix Typhon. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Pas Pascal. Oh yeah! Monsieur Gendry, une petite chanson pour vous célébrer. Papa! Non, je rigole. Alors, cette chronique ne se veut pas politique et pourtant, elle va l'être quand même un petit peu, de par son thème qui fait toujours l'actualité, et ce, depuis des années. La police! Parce que oui, la police est omniprésente, dans nos rues, dans nos médias, dans notre conscience collective. En littérature, le polar reste le genre préféré des Français. Populaire et accessible, il en va de même pour la profusion de téléfilms consommés en masse. Mais qu'en est-il des représentations de la police au cinéma? Le sujet mériterait toute une thèse et je ne suis pas spécialiste de la question, loin de là. Toujours est-il que ça mérite réflexion ou en tout cas de s'attarder sur certains points avec un petit corpus personnel. La haine, Kassovitz, 1995, un film pivot qui va permettre la théorisation du genre banlieue-film ou film de banlieue, ou plutôt disons une catégorie de films dans lesquels nous avons la banlieue comme décor et lieu principal de la dramaturgie, ses habitants comme protagonistes principaux, et le plus souvent la police comme l'incarnation du mal, du méchant. Oh yeah! Le film de Mathieu Kassovitz s'ouvre sur des images d'émeutes opposant deux camps, d'un côté les jeunes de la cité, de l'autre les policiers, suite à la blessure d'un jeune habitant commise par un officier. Les bases sont posées, notre point de vue est aiguillé, nous faisons face à une injustice et nous suivons Vince, Saïd et Hubert, trois copains de la victime dans leur péripétie à travers la cité. La police, ils la fuient, et lorsqu'ils se font attraper, la police, on la déteste avec eux. On n'est pas dans sa cité, avec ses potes les casseurs. Allez, vas-y, ramasse. Tiens, ramasse avec tes pieds. Toi, dans ton pays, ramasse avec les pieds. Hein? On ramasse tout avec tes pieds dans ton pays. Hein? Aïe. C'est ça le plus dur, c'est ça, tu vois. Voilà, c'est ça, tu vois. Autrement, regarde, on est bien, là. On est pas pressé encore. Parce que tu sais que dans 2 heures, ils sont peut-être sortis, ces deux-là. Enfin, profitez, parce que... Hein? Non, juste comme ça, regarde. Non, comme ça, voilà, comme ça, regarde. Voilà. Et après, voilà, c'est ça. Après, tu t'arrêtes juste quand il faut. Tu vois? Surtout, faut... Contrôle, tu vois. Contrôle, tu vois. Regarde. Ça, t'énerve pas. Voilà, ça va pas durer ce temps. Voilà, c'est ça. Et toi, qu'est-ce que tu dis, toi? Mais il existe des films où le point de vue inverse est proposé. C'est le cas de Police de Mai Wen, où là, nous nous retrouvons comme dans un faux documentaire, au sein même des bureaux de la brigade de protection des mineurs, passant d'une enquête à l'autre avec des protagonistes tous différents, auxquels on est censé s'attacher. Mai Wen dénonce les conditions de travail des policiers et cherche ici à les « zéroiser », dépeignant des personnages aux nombreuses failles, mais intransigeants dans l'exercice de leur profession. Un film bourré de clichés, mais qui a pourtant bien marché lors de sa sortie en 2011. Parce que bon, ils avaient l'air humains et sympathiques, ces petits flics, surtout quand ils se retrouvent tous en boîte comme une bonne bande de copains sur la musique qu'on écoutait au collège. That's how we work. We must stop questioning the law. Après, bon, entre ce que Mei Wen dénonce et dénonce pas, le droit d'être importuné, tout ça. Oh, on a dit qu'on faisait pas de politique, putain! Et puis bon, il y a un autre film qui est sorti sans bruit en septembre 2020, éponyme, puisqu'il s'appelle Police, bien orthographié cette fois-ci, avec dans le rôle des flics Omar Sy et Virginie Efira. Oh waouh! J'ai pas vu le film, donc je vais prendre mes précautions. Mais dans la bande-annonce, on voit une Virginie Efira en proie à plein de contradictions, puisque si elle renvoie le jeune migrant dans son pays, il est en danger de mort, et en même temps, bah, elle a des règles à respecter. Son droit d'asile au gamin, il est terminé. En tout cas, on sent la volonté d'Anne Fontaine de dépeindre un portrait du good cop. Les bons flics, ça existe, mais les clichés, c'est chiant. Oh yeah! Alors, dans un tout autre registre, il y a Quentin Dupieux, qui fait un portrait de flic totalement corrompu dans Wong Cops, sorti en 2013, avec un enchaînement de scènes rocambolesques dirigées par l'art de l'absurde. Puis vous pourrez enchaîner sur Au poste de Dupieux, toujours, huis clos de 72 minutes, dans un poste de police mené par un tandem loufoque, incarné par Benoît Poulvorde et Grégoire Ludig. Vous passerez un bon moment. Non, mais sinon, il y a vraiment des films qui parviennent à être subtils et qui réussissent avec brio à nous faire nous poser les bonnes questions. C'est le cas de Les Misérables de Lajli, sorti en 2019. Prix du jury à Cannes, 4 Césars, dont celui du meilleur film, on s'en souviendra. Important de s'attarder sur ce coup de virtuosité. J'en appelle à votre esprit d'équipe. La cohésion. Sans cohésion, pas d'équipe. Et sans équipe, on est seul. T'as pas choisi la bonne équipe, mon pote. Contrôle de police, vous faites quoi, là? On attend le bus. Vous attendez le bus, là? Ça sent le shit, ça. Eh, hey, c'est bon, Sony. Ça va, je gère. Je vous filme, vous avez pas le droit de faire ça. Arrête de filmer. Non. T'es contente, là? Ici, c'est notre vie. On y suit le personnage de Stéphane, campé par Damien Bonnard, incroyable, qui intègre la brigade anticriminalité de Montfermeil, dans le 9-3. Il est formé par ses deux coéquipiers, Chris et Guada, baqueux expérimentés, dont l'un est pourri, mais vraiment pourri. Et pourtant, ils le connaissent le milieu, ils y ont grandi, c'est leur terrain de jeu. Le quartier est sous tension, mais ce qui va allumer la mèche, c'est lorsque le bébé lion d'un cirque de gitans installé dans le voisinage est porté disparu. Les clans s'opposent, les gitans soupçonnent les petits jeunes de la cité, les brigadiers s'impliquent, et puis BAM ! C'est l'explosion. Bavure policière, un drone les a filmés, branle-bas de combat. On se retrouve nous aussi sous tension, face à des personnages tous différents qui ont chacun leur rôle à jouer. Et ce qui nous fascine, c'est que le tableau dépeint n'est pas manichéen. Le parti pris de Lajli, c'est qu'on ne prenne pas parti. On vacille d'un camp à l'autre, on danse sur les deux pieds, et cette horizontalité des points de vue fait travailler nos ventricules jusqu'au générique. Ça coupe le souffle et c'est authentique. Un coup de génie. Oh yeah! Côté américain, la liste des films sur les violences policières est longue, très très longue. Et si je devais vous en conseiller un, c'est Détroit de Catherine Bigelow, sorti en 2017. Le film retrace des faits réels survenus à Détroit dans le Michigan en 1967. Suite à des émeutes dénonçant la ségrégation raciale, la ville de Détroit est mise sous contrôle policier, attisant tension, haine et violence sur fond de racisme ambiant. Un soir, dans un motel principalement occupé par un groupe d'afro-américains désabusés par la situation, et accompagné par deux jeunes filles blanches, on croit entendre des coups de feu. La police encercle le motel et mène l'enquête sur l'origine de ces coups de feu, usant de tortures physiques et psychologiques. C'est là la scène principale du film qui va se transformer en huis clos glaçant, superbement réalisé. Le film va même être catégorisé « film d'horreur ». Et pourtant, l'horreur a réellement existé. Parmi les victimes, les membres d'un groupe de rhythm and blues, les Dramatics, dont voici l'une des chansons qui rythme la BO. « It's all because of you ». Et puis pour finir, je ne peux que vous conseiller le tout récent documentaire de David Dufresne, sorti en 2020, Un pays qui se tient sage, un film nécessaire et important qui croise les témoignages et analyses de sociologues, historiens, journalistes, flics et gilets jaunes, anthropologues et manifestants, et qui pose la question de la légitimité de l'usage de la violence devant des images allant de 2015 à 2019. Oh yeah ! En 1999, dans un ouvrage sur la représentation de la police au cinéma, l'auteur Olivier Philippe déclare « Un film policier se révèle en effet comme un film politique qui, par ses éléments réalistes et symboliques comme par sa structuration formelle, contribue à justifier, à légitimer et à fonder l'ordre des sociétés. » Maître de conférences à Sciences Po, Olivier Philippe est un ancien membre de la police nationale. Ok. Accab. Bon allez, tenez-vous sage. Et encore bon anniversaire, Pascal. Ces films te donneront peut-être envie de lever le poing en l'air. Après, on peut toujours regarder Billy Elliot. Arrête. Je sais que tu pleures devant Billy Elliot. Bisous. Ça fait mal. That's it. La chronique cinéma. C'est pas quoi faire. Est-ce que je te fais. Tu deviens complètement con ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis le parrain de ton fils. Mais enfin. Lutin, malin, peste. Waouh. Je la veux encore. Ça ne doit plus arriver. Ça fait partie des listes de choses qui ne doivent plus arriver. Franchement.